Vous savez, c'est l'heure d'Histoire vivante. Très bon après-midi. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Que furent donc les premiers émois d'Histoire vivante au temps révolu de la bande magnétique et du montage au ciseau? Ah, comme on riait en ce temps-là, si jeune, si naïf, si plein d'espoir, sans entrevoir le crépuscule des sombres soirs à venir. Désormais, tout a changé. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. Tout le monde est encore sous le coup d'une profonde émotion qui a bouleversé l'Europe à l'annonce des événements d'Autriche. Ce pays qui n'est plus que le croupion de ce qu'avait été l'Empire d'Autriche-Hongrie. Cette semaine, l'Autriche. De la fin d'un empire à la montée des extrêmes, une démocratie crispée. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que vous n'avez plus aucun doute sur la responsabilité directe de Kurt Waldheim dans les crimes de guerre commis par les nazis en Yougoslavie? Je vous promets quelque chose de très concret. Je vous promets, si vous me conduisez au pouvoir, qu'on va en finir avec les privilèges. La participation de l'extrême droite au gouvernement autrichien constitue en effet un grand danger pour les libertés. L'Autriche du XXe siècle est bel et bien passée par tous les extrêmes, du sublime au minable. Sublime, Vienne, la capitale culturelle la plus intense du début du siècle, où se bouscule ce que l'on fait de plus avant-gardiste, en peinture, en musique, en littérature. Les Schönberg, Berg, Webern, les Klimt, les Kokoschka, les Robert Musil et autres Stefan Zweig. Une densité qui donne le tournis et façonne pour longtemps l'image d'un monde ancien, d'un âge d'or où l'expérience ouvrait sans cesse de nouvelles pistes. Un monde qui bientôt sera à jamais emporté, englouti par deux guerres mondiales, pour se réveiller dans un coma dont on ne sait encore aujourd'hui si nous sommes véritablement sortis. Loin l'Empire austro-hongrois, loin la pompe des Habsbourg. Il faut désormais que la petite République autrichienne apprenne à encaisser tous les coups bas qui n'auront pas été énoncés à la conférence de Yalta. La famine que connaît le peuple autrichien d'après-guerre est bien à compter au nombre de ces coups bas. Une URSS qui aspire le pétrole autrichien, des nations alliées qui prêtent, mais sur gage. Il en aura fallu du temps pour que les quatre grandes puissances laissent l'Autriche gérer toute seule son avenir et aussi, une fois payée sa dette aux autres, essayer de régler ses propres comptes avec elle-même. Mais il faut du temps à un pays et l'on n'est à l'abri de rien. Dans les années 90, l'Autriche, fière mais piétinée, coupable mais victime, se tourne vers ce qu'elle porte de plus populiste, de plus provocateur, et s'en va mettre le feu dans sa propre démocratie. Pour aujourd'hui, retour à un sacré hoquet qui marquera le pays dans la décennie 80. Aujourd'hui, l'affaire Kurt Waldheim. Chapitre 1. Black best-seller. Pour cette année 1984, un auteur a bigrement facilité la vie à tous ceux qui font profession de trouver des idées de débat à la radio ou à la télévision. On ne compte plus tous ceux qui auront été organisés autour du livre éponyme de George Orwell, écrit en 1948. Il suffira à l'auteur de retourner les deux derniers chiffres de cette date pour trouver le titre à son bouquin. Le cadre de l'action est le Londres de 1984, alors capitale régionale de l'Océania. Un homme, Winston Smith, se rebelle contre l'ordre imposé par le parti et son chef unique, Big Brother. Ce dernier reste inconnu de tous, mais surveille cependant les moindres faits et gestes de chacun, d'où le slogan « Big Brother is watching you ». Big Brother vous regarde. En ce début d'année 1984, un homme d'un âge avancé est à la radio romande pour y évoquer le roman de George Orwell. Un homme qui connaît bien les mouvements politiques du monde, puisqu'il a été secrétaire général des Nations Unies de 1972 à 1981. Il répond à Yves Maga. En Europe occidentale, il y a eu, il n'y a pas très longtemps non plus, la période nazie. Est-ce que c'est un danger qui peut tout de même revenir un jour ? J'espère que non, parce que ma génération a vu les résultats désastreux du nazisme, du fascisme. Et je crois que c'était aussi l'influence ou les mémoires choquantes de cette période qui a influencé le livre de George Orwell. Quand on lit ce livre, on voit, on sent le choc de cet homme qui est passé sur l'expérience personnelle, d'après ce que je peux juger, expérience personnelle pendant cette période, époque désastreuse du fascisme. Quelques semaines, quelques mois s'écoulent, et fin 86, un ouvrage sort intitulé « Le mystère Waldheim ». L'un des auteurs, Luc Rosenzweig, est reçu par William Heinzer. Midi premier invité, Luc Rosenzweig, auteur avec Bernard Cohen d'un livre qui sort aujourd'hui même en librairie, un livre intitulé « Le mystère Waldheim ». Et ce livre, déjà, fait beaucoup de bruit. Jusqu'à présent, les enquêtes d'innombrables quotidiens et hebdomadaires, tant en Europe qu'aux États-Unis, avaient fait état de telle ou telle activité du lieutenant Kurt Waldheim durant la guerre. Luc Rosenzweig et Bernard Cohen ont, eux, réuni tous les fils de ces enquêtes et ils y ont ajouté un document de poids, le dossier de la commission d'enquête des autorités yougoslaves sur les crimes de guerre du lieutenant Waldheim, dossier accablant pour l'actuel président autrichien. Luc Rosenzweig, vous êtes en direct avec nous de Paris. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que vous n'avez plus aucun doute sur la responsabilité directe de Kurt Waldheim dans les crimes de guerre commis par les nazis en Yougoslavie ? Écoutez, oui, on peut dire ça comme cela, c'est-à-dire que nous avons d'abord plus aucun doute sur le fait que tout au long de ces derniers mois, Kurt Waldheim a menti sur son rôle exact dans la Wehrmacht lorsqu'il était dans les Balkans. Il a commencé par dire qu'il n'y était pas, ensuite qu'il y était, mais qu'il avait un rôle mineur. Et le dossier de la commission des crimes de guerre yougoslave corrobore totalement ce que nous indiquons, c'est-à-dire que Kurt Waldheim était un officier d'état-major qui élaborait et présentait des décisions destinées à mettre en œuvre des représailles contre les civils yougoslaves. Comment cette affaire Waldheim est-elle née ? Réponse de Robert Denis, correspondant à Vienne pour la radio suisse romande. Écoutez, je crois que les origines de l'affaire Waldheim débutent avec l'annonce de la candidature de Waldheim. Cela remonte donc maintenant à 2 ans à peu près, au début de l'année 1986. Le Parti populiste autrichien laissait entendre qu'il soutiendrait une candidature de Kurt Waldheim, qui était alors, il faut le préciser, donc l'homme d'État parfait et par excellence, puisqu'il avait été secrétaire général de l'ONU. À ce moment-là, des rumeurs circulaient, peu de temps après, quelques semaines après, disant que Kurt Waldheim avait un passé « brun », entre guillemets, ce qui laisse entendre donc un passé dans la Wehrmacht où les nazis, les choses n'étaient pas très précisées. Et puis, il y a eu toute une série de publications, d'articles. Finalement, c'est le magazine autrichien Profil qui lançait l'affaire Waldheim, qui allait se développer ensuite avec des prises d'opposition de différentes personnalités, des prises d'opposition du Congrès juif mondial, personnalités politiques autrichiennes, et l'affaire était enclenchée, si vous voulez. Et puis, on connaît la suite, M. Waldheim a été élu malgré cette campagne contre lui. Il a été élu relativement facilement avec 54% des voix. Il faut préciser que c'est le premier président chrétien-démocrate de l'Autriche. Jusqu'à présent, il n'y avait eu que des socialistes. Et à quel moment est-ce que l'affaire est passée d'une affaire purement médiatique, c'était une campagne de presse, à la création d'une commission de recherche sur le passé de Waldheim? Eh bien, cela est intervenu après l'élection de Kurt Waldheim. C'est Kurt Waldheim lui-même qui en avait lancé l'idée au mois de juillet 1986, après avoir été élu donc. Il avait demandé à pouvoir prouver son innocence et l'idée avait été lancée au départ par Simone Wiesenthal. Questionnée par les journalistes, un jour Simone Wiesenthal a dit « Mais dans le fond, une commission d'historiens pourrait déterminer si Waldheim est coupable ou pas. » Le président Waldheim a saisi la balle au bon et il a dit « Bien oui, pourquoi pas, allons vers une commission d'historiens. » La commission d'historiens se met au travail. Elle comprend un Belge, un Américain, un Anglais, un Allemand de l'Ouest et un Israélien. Peu après, elle rend son rapport. Selon ce rapport, Kurt Waldheim s'est trouvé à proximité immédiate d'actes criminels pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais le point de savoir s'il est coupable de crimes demeure une question ouverte. Pourtant, l'implication dans le transport de prisonniers et de réfugiés par l'unité 1B, l'unité du lieutenant Waldheim, ne peut être mise en doute, même s'il n'existe pas assez de documents pour soutenir cette thèse. De toute façon, si le président autrichien est libéré de l'accusation directe de crime de guerre, il conserve une responsabilité morale puisqu'il savait ce qui se passait, par exemple la déportation de 46 000 juifs grecs de Salonique. Dans l'ensemble, ce rapport est plus sévère que ce qu'on en attendait. Le gouvernement autrichien a déjà réagi à la publication de ce rapport, il soutient son président. Le vice-chancelier autrichien Alois Mock nous donne cette réaction officielle. Le gouvernement va défendre le président de la République contre des accusations et des calomnies non fondées. En plus, le gouvernement fédéral a pris acte que la commission a fini ses activités en nous transférant ses rapports. Et le gouvernement fédéral a, d'une manière unanime, retenu les déclarations de cette commission des experts d'histoire militaire qui a publiquement déclaré qu'il n'y a pas une culpabilité, une responsabilité personnelle du président fédéral et pas une participation aux crimes de guerre ou aux atrocités de guerre. Dans quelques instants, la suite de l'affaire Waldheim. Sorti dans les années 80, en pleine période de la New Wave allemande, Der Kommissar était le premier titre rappé en allemand, œuvre d'un dandy autrichien farfelu, Falco. Il devint plus tard une star internationale, mais disparut en 1998 dans un accident de voiture. Sie war jung, das Herz so rein und weiß und jede Nacht hat ihren Preis. Sie sagt, to the sweet, you got rap to the heat, ich verstehe, sie ist heiß. Sie sagt, babe, you know, I miss my funky friends, mein Jack und Joe und Jill. Mein Funkverständnis, ja, das reicht zur Not, ich überreiß, was sie jetzt will. Ich überleg bei mir, ihr Nasen spricht dafür, wäre das nicht noch Rauch? Die Special Places sind ihr wohl bekannt, ich mein, sie fährt ja U-Bahn auch. Dort singen sie, Radine dumm. Schau, schau, der Kommissar geht um. Hey, what about some spiff, Nina? Did you ever rap that thing? Hoffnung sind. Den Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren, kennt heute jedes Kind, jetzt das Kinderlied. Oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um. Oh, oh, oh. Er hat die Kraft und wir sind gerne und dumm. Und dieser Frust macht uns stumm. Sur la première, cette semaine, l'Autriche. De la fin d'un empire à la montée des extrêmes, une démocratie crispée. Chapitre 2. Un président dérangeant. Un ouvrage comme un pavé dans la mare. Le mystère Waldheim. Et voilà l'Autriche jeté dans une de ses pages les plus sombres. Kurt Waldheim, président de l'Autriche, ancien secrétaire général des Nations Unies, est accusé d'un passé plus que brun dans sa collaboration en tant que lieutenant dans la Wehrmacht. L'affaire Waldheim tombe dans une période où la conjoncture économique autrichienne est loin d'être la plus favorable. Après le redressement des années 70, la décennie qui suit est un effet des plus moroses. Licenciements massifs, déficit budgétaire en aggravation. Rien qui ne va faciliter la position de Kurt Waldheim, malgré le soutien de son gouvernement, malgré le soutien de sa population, qui affiche, dans les sondages, sa réponse aux accusations. Pour 72% d'entre eux, Kurt Waldheim ne doit en aucun cas démissionner de la présidence. Comment comprendre ce soutien puissant, quasi inconditionnel d'une population? La réponse de René Schfock, chargé d'études à l'Institut universitaire des hautes études internationales à Genève. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement on a l'impression que Waldheim est un Autrichien ordinaire. Finalement, Waldheim reflète plus l'Autriche que l'Autriche ne reflète Waldheim. C'est ça qui est intéressant. C'est une espèce de miroir de l'Autriche et toute cette affaire de Waldheim a éclairé l'histoire autrichienne sous un jour complètement différent, un jour qui n'est plus du tout celui qu'on avait il y a encore une année ou deux avant le début de cette affaire. Je crois qu'une partie de l'opinion publique se reconnaît dans l'itinéraire de Waldheim, de ce personnage qui était issu d'une famille assez anti-allemande et anti-nazie et qui très rapidement s'est retourné à adhérer plus ou moins aux valeurs de l'Allemagne nationale socialiste, s'est engagé à combattre en France, en Union soviétique, dans les Balkans et dès la fin de la guerre s'est complètement retourné à nouveau, s'est engagé dans l'administration fédérale autrichienne, est devenu un bon autrichien, occidental, démocrate, etc. Cet itinéraire finalement c'est un peu l'itinéraire de l'Autriche et de beaucoup d'Autrichiens. Je crois qu'il y a trois traumatismes maintenant dans l'histoire autrichienne, la perte de l'Empire. L'Autriche était fière de cet Empire, de la valeur de sa culture aussi. Vienne était une capitale prestigieuse au tournant du siècle. L'Autriche se retrouve à la fin de la Première Guerre mondiale sans cet Empire. empire. Vienne est une capitale sans empire. Premier traumatisme. Deuxième traumatisme, cette annexion à l'Allemagne, d'un premier temps peut-être pas voulue par la majorité des Autrichiens, mais à laquelle la plupart des Autrichiens se rallient trop vite et deviennent plus antisémites même que pas mal de nazis, deviennent plus pan-germanistes que pas mal d'Allemands. Et ça aussi, c'est un deuxième traumatisme dans l'histoire autrichienne. Et puis enfin, ce troisième traumatisme, peut-être moins important, mais enfin cette, entre guillemets, neutralisation de 1955, l'Autriche devient finalement une petite république d'Europe centrale, une petite république montagnarde, un peu à l'image de la Suisse. D'ailleurs, on demande à l'Autriche d'avoir une neutralité à l'image de la Suisse. C'est rabaisser l'Autriche à un destin qui n'était pas celle de l'Autriche du début du siècle. Extrait de l'interview exclusive obtenue par Robert Denis auprès de Kurt Waldheim, alors président de la République autrichienne. Certains vous reprochent ou font des reproches à votre égard en disant oui, mais dans la position où il était, peut-être aurait-il pu faire de la résistance comme certains l'ont fait, abandonner vos fonctions. Alors on peut vous poser la question, pourquoi ne l'avez-vous pas fait? L'essentiel était de survivre. N'oubliez pas, j'avais à peu près 20 ans, 22 ans. Alors, je voulais survivre, surtout parce que ma famille était persécutée par les nazis. Alors, la situation pour moi était extrêmement difficile. À l'époque, ce n'était pas facile, surtout de vivre dans un régime totalitaire. Aujourd'hui, c'est difficile à comprendre cela. La jeune génération, fort heureusement, ne doit pas vivre dans une dictature. La jeune génération est libre, peut dire ce qu'elle veut. À cette époque, si on a parlé trop ou si on n'avait pas suivi certains ordres, c'était la mort, n'est-ce pas? Il n'y avait rien entre ces deux extrêmes. Brève conclusion de l'historien Pierre Dubois au micro d'Ursk Sfeller. Oh, l'affaire Waldheim, très clairement, hypothèque son image dans le présent et dans le futur, c'est absolument indubitable. Est-ce qu'on peut dire aussi, et ce sera le dernier mot, Pierre Dubois, que ce que l'histoire retiendra d'ores et déjà, c'est qu'en politique, il ne faut jamais mentir, il ne faut jamais mentir par omission? Alors je dirais que, pour être moi-même à mon tour cynique, je dirais en tout cas, il ne faut pas que ça se sache. Avec l'affaire Waldheim, la société autrichienne est pour la première fois, tout comme d'autres pays avant elle ou après elle, confrontée à un pan de son histoire. Une partie refoulée, enfouie. Cette affaire va contribuer à remettre en cause la thèse officielle, défendue depuis 1945, selon laquelle l'Autriche avait été la première victime du nazisme. Surprotégés et dédouanés de leurs responsabilités historiques, les Autrichiens sont naturellement réceptifs à la dénonciation de l'autre, omniprésente dans le discours comme dans les pratiques des nationaux populistes. Le recours à la xénophobie n'est guère neuf en Autriche. Le pan-germanisme de l'un, l'antisémitisme notoire de l'autre, fut-il une figure officielle du monde politique, comme le maire de Vienne, Karl Lueger, l'antislavisme des nationalistes allemands, autant d'éléments essentiels de l'histoire de l'Empire des Habsbourg trop souvent mythifié ou réduit au rayonnement de la Vienne, Vienne façon fin de siècle. L'affaire Waldheim va de fait confronter l'Autriche avec son passé, elle va aussi provoquer chez bon nombre le réflexe du repli sur soi. Demain, l'arrivée au pouvoir de Jörg Haider. C'était Histoire vivante. Documentation et archives à la Radio Suisse romande, Jean-Marc Julien. Programmation musicale, Yves Lenzi. Réalisation, David Golan. Voix féminine et assistance à la production, Daniel Zacker. Équipe de production à la TSR, Irène Chaland, assistée de Corinne Rocha. Une émission de Jean Leclerc. À demain pour d'autres chapitres. You can cry, I'll hold it. I'm ashamed, I really wanna try. You can always quit and I'll stand by. Oh, I'll stay, I'll stay for you. Said I'm leaving. I know when I'm alone. Said I'm staying. Nothing lights a spark when I know I'm going home. You can cry. So our home where we will spend our lives. Oh, I can bend the truth up to the sky, but I'll try, oh, I'll try for you. Oh, I'm leaving the park. I know when I'm alone. Said I'm staying at the start to make it feel new. Oh, I need you. I know, don't wanna know. Oh, I'll leave. Is it true that you've been calling on me to speak out while I cannot hide? All you've done has been wearing me down deep in my soul. My soul. Listen to the leaves. Walking in the park. I know when I'm alone. Said I'm steadying my heart. Has mostly worked till now. Oh, I need walking you. In the park. I know no one knows. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.